Bon, tout d'abord, merci à Mathilde Icard et Emilien Ruiz de m'avoir invité aujourd'hui dans cette prestigieuse assemblée où je n'ai pas, voilà, qui me fait faire un pas de côté par rapport à mon environnement habituel. Mais je suis très heureux de partager avec vous ce moment et je suis passionné par tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Emilien Ruiz a un peu défloré. C'est vrai que je suis ici parce que je l'avais contacté il y a quelques mois suite à une discussion que j'avais eue avec Alain Supiot, que certains d'entre vous doivent connaître, hein, qui est juriste et spécialiste du droit du travail, et qui m'avait suggéré l'idée que le statut de la fonction publique est moderne, défendre la modernité du statut. Le statut de la fonction publique permet, et le meilleur statut qui permet de défendre les missions d'intérêt général. Et faire le pendant par rapport au contrat qui, de plus en plus, est présent dans la fonction publique, hospitalière et dans les autres également. Et donc, c'est vrai que cette idée-là m'a bien plu. Et donc, j'ai proposé à quelques fonctionnaires et de l'éducation nationale et de la fonction publique hospitalière et à Emilien, qui est un spécialiste du sujet, de travailler un peu sur un texte qui a été publié dans Le Monde. J'espérais qu'il suscite beaucoup de débats et ça a été un peu, bon, finalement, pas tant que ça, mais c'est pas grave, hein, c'est l'intérêt déjà d'y avoir pensé ensemble était grand. Vous avez dit effectivement tout à l'heure, commission médicale d'établissement, ça parle pas énormément, SME, dans chaque hôpital public, qu'il soit CHU, moi je représente plutôt les CHU, mais qu'il soit CHU ou centre hospitalier, les médecins élisent des représentants dans une commission médicale qui élit elle-même un président de cette commission médicale et qui va travailler avec le directeur de l'hôpital, donc à la gouvernance et participer à la gouvernance de cet hôpital. Et c'est d'ailleurs il y a un débat actuellement puisque le président de la République, le 6 janvier, dans ses vœux au monde de la santé, a suggéré qu'on réfléchisse au tandem, ce qu'il a appelé le tandem médico-administratif. Donc vous avez parlé d'un précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui avait dit, je crois que c'était en 2009, il faut un seul patron à l'hôpital. Et vous avez eu Isabelle Richard, la directrice de l'EHESP récemment, qui forme les directeurs d'hôpitaux. Et je crois que dans son propos, elle disait, il faut élargir et donner plus de diversité, ouvrir candidat à cette école et donc à la fonction de directeur d'hôpital à plus d'horizons. Et l'idée, je pense, d'Emmanuel Macron, c'était de dire que ce serait bien d'avoir plus de médecins directeurs d'hôpital. Je crois que c'était ça son propos. Ce qui est vrai dans beaucoup de pays anglo-saxons, si vous allez en Amérique du Nord par exemple, c'est la plupart des directeurs d'hôpitaux sont des anciens médecins. Et nous défendons, bon, c'est un petit débat qui est en ce moment, je ne pense pas que ce soit le débat le plus important du moment dans le champ de la santé, mais nous défendons l'idée que d'avoir un représentant élu de la communauté médicale est intéressant parce que ça permet de faire un peu le lien entre d'être le porte-parole de la communauté médicale et de faire aussi le lien avec les contraintes de la gestion et notamment les contraintes budgétaires. Je vois bien que ça provoque beaucoup de tensions et d'avoir cette fonction un petit peu de lien entre les volontés et la parole des soignants et celle d'un directeur qui, lui, a une préoccupation gestionnaire est, à mon avis, intéressant. Il y a un autre fonctionnaire qui est élu aussi, c'est le président de l'université, hein, qui est aussi élu par ses pairs et par l'ensemble des personnels de l'université, donc il y a d'autres modèles. En vous écoutant tous, donc j'essaie de voir un peu comment on peut replacer la problématique du concours et de la sélection des professionnels dans le champ de l'hôpital et peut-être plus largement dans celui de la santé, en sachant que, comme vous l'avez dit à l'instant, il y a un problème d'attractivité dans les fonctions publiques en général et à l'hôpital public en particulier, et cette crise importante de l'hôpital qui ne fait que s'aggraver avec le temps, même après cette pandémie, qui probablement la pandémie a contribué à l'aggraver, pose un vrai problème. Donc savoir qui on sélectionne, comment on sélectionne les gens pour ces professions de santé est un sujet évidemment très important. Alors je voudrais peut-être juste m'attarder dans les quelques minutes qui viennent sur deux professions particulières. L'hôpital, c'est une une très grande pluralité des professions. Il y a énormément de professions différentes. Il y a les administratifs, on vient d'en parler, le directeur et toute l'administration, le corps des soignants, bien entendu. Il y a des médecins, des infirmiers, des kinés, beaucoup de soignants différents, des psychologues, et également des personnels techniques, médico-techniques. Donc c'est vraiment l'hôpital est une entreprise avec des grosses guillemets hein, pour entreprise, extrêmement complexe. Dans la pluralité des professions qui y travaillent, et ce qui sont pour beaucoup d'entre eux, pour l'essentiel d'entre eux à l'hôpital public, des fonctionnaires, même si de plus en plus on fait appel soit à de la sous-traitance, qui est une manière de privatiser l'hôpital public, soit à des contractuels. Je reviendrai sur cette problématique des contractuels. Je voudrais juste m'attarder peut-être au prisme donc de la sélection, comment on sélectionne par le biais du concours les professionnels, sur les médecins d'une part, et peut-être les infirmiers d'autre part. Et peut-être commencer par les infirmiers. On a aujourd'hui, vous savez, un problème majeur de recrutement d'infirmiers à l'hôpital public. On estime qu'environ 20% des lits sont fermés actuellement parce qu'on manque d'infirmiers. On n'arrive pas à les recruter. Et pour autant, comme pour l'INSP, et là, c'est récurrent, c'est pas juste cette année, il y a énormément de jeunes lycéens qui s'inscrivent sur Parcoursup pour être entrés dans une école d'infirmiers. Et là, il y a manifestement un problème. Car ils sont très nombreux à s'inscrire, mais ils sont ensuite très nombreux à abandonner ceux qui ont été admis dans les écoles d'infirmiers. On estime qu'environ un tiers d'entre eux vont abandonner pendant les 3 années, et souvent dès la première année. Et ensuite, ceux qui sont diplômés, alors je n'ai pas les chiffres, mais la proportion d'entre eux qui vont à l'hôpital public a diminué de façon assez notoire. Et ceux qui vont, qui malgré tout vont quand même à l'hôpital public, bon nombre d'entre eux vont abandonner l'hôpital public, quitter l'hôpital public au bout dès les premières années. Donc on a un vrai sujet, et quand le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit on va, pour répondre au moment de la pandémie, on va augmenter, répondre à cette problématique en augmentant le nombre de places en IFSI, il répond que très partiellement au problème, puisque pour les raisons que je vous ai dit. Donc il y a manifestement un problème de sélection à l'entrée de ces études d'infirmiers, et on a beaucoup incriminé Parcoursup, qui a remplacé un concours qui était basé aussi sur un oral, l'oral que vous évoquiez tout à l'heure, qui aussi avait des inconvénients parce qu'il fallait s'inscrire dans plusieurs écoles, il y avait aussi des préparations, enfin, il y avait plusieurs problèmes, je ne vais pas détailler ici, on n'a pas le temps, mais ce qui est vraisemblable, c'est que Parcoursup, et j'ai lu un très bon rapport de l'IGAS sur cette problématique des compétences infirmières et de leur formation, c'est plus que l'existence même de Parcoursup, c'est l'utilisation qu'on en fait, et probablement, moi je crois beaucoup, aussi à l'information que l'on donne aux lycéens, aux collégiens peut-être, et aux lycéens, sur les métiers de la santé, et les métiers d'infirmiers en particulier. Je pense qu'on aurait tout intérêt à travailler ce sujet avec l'Éducation nationale pour favoriser, provoquer des rencontres probablement entre les professionnels de santé et les lycéens. Et on pourrait d'ailleurs faire d'un coup double. On a actuellement un problème majeur en prévention et notamment en santé scolaire. C'est un domaine en totale déshérence, que ce soit les médecins ou essentiellement des infirmiers d'ailleurs qui travaillent dans les écoles et les lycées. Et c'est un métier qui est totalement dévalorisé, totalement abandonné, alors même que c'est un des problèmes majeurs. La prévention, elle commence dès le plus jeune âge. Et on pourrait, en investissant plus le domaine de la santé scolaire, avoir à la fois sensibilisé les jeunes à leur santé, et à faire de la prévention dès ce moment de la vie. Probablement aussi les sensibiliser, je pensais à ce qui s'est passé cette semaine, le drame qui s'est passé à Reims, qui a été beaucoup médiatisé, et ça a suscité beaucoup d'émotions dans le milieu de la santé, donc l'assassinat d'une infirmière à Reims, qui renvoie en fait à... Bon, qui est un événement heureusement exceptionnel, c'est pas le premier, mais c'est exceptionnel, mais par contre ça renvoie à un sentiment que les soignants ont à l'hôpital public d'être sujet de beaucoup d'incivilité, beaucoup d'une incompréhension entre des gens notamment qui se présentent dans les services d'urgence et qui pour des raisons qui sont aussi compréhensibles, parce qu'il y a des temps d'attente longs, etc., mais pas que d'être maltraité par les citoyens. Donc je pense qu'il y aurait aussi un intérêt à faire comprendre dès le plus jeune âge ce qu'est un système de santé, ce qu'est un hôpital, ce qu'on doit en attendre, et l'importance d'avoir un comportement, alors je me parle, ça fait un peu vieux schnockréac, mais un comportement citoyen, c'est ce qu'on avait à l'époque, je me souviens, j'avais des cours d'éducation civique, et donc il y aurait aussi, quelque part, à mon avis, un intérêt à sensibiliser les jeunes sur ces dimensions-là, mais aussi leur présenter les professions de santé pour éviter d'avoir, je pense que beaucoup de jeunes choisissent le métier d'infirmier ou de médecin, mais plutôt, je pense surtout aux infirmiers, en regardant les séries télévisées, hein, où on a une image complètement idéalisée de ce que c'est qu'une blouse blanche dans un hôpital, et puis en fait, quand ils arrivent dès leur premier stage d'infirmier, la désillusion est grande. Donc ça, c'est le point que je voulais faire sur le métier d'infirmier. Sur les professions médicales, alors là, il y a toute la discussion que vous aviez autour de la mixité sociale. Là, on est là aussi très, très loin du compte. Et je pense que pour les professions médicales, ça pose quand même un problème dans des métiers qui sont vraiment dans le champ de l'intime et où la dimension sociale est très importante. Aujourd'hui, on a un scandale qui est celui de l'accès aux soins et notamment de l'inégalité d'accès aux soins. Donc les déserts médicaux, beaucoup de gens en souffrent, même ici à Paris, hein, si vous voulez prendre un rendez-vous avec un médecin généraliste, ça devient très compliqué. Mais il est sûr que si vous êtes à distance du centre-ville ou même dans une zone périurbaine, dans un milieu social défavorisé, cette difficulté d'accès aux soins est majorée de manière tout à fait évidente. Et donc je pense que d'avoir des médecins qui sont issus juste d'une partie tout à fait supérieure des couches sociales, pose problème. Je pense qu'on aurait tout intérêt à favoriser et à voir, comme Richard Descoings avait, je ne sais pas quelle démarche il faudrait faire. Un des premiers obstacles, c'est que les études médicales sont très longues. Et ça, c'est effectivement souvent ce qui empêche, auto-censure, hein, les jeunes des milieux moins favorisés de se lancer dans ce type d'études. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à favoriser les accompagnements par des bourses et aller chercher les jeunes dans les quartiers les plus défavorisés, dans les milieux sociaux les plus défavorisés, repérer ceux qui sont capables, parce que voilà, et de les accompagner pour aller faire ces études. Vous avez mentionné les prépas privés, il y a plein de prépas privés, hein, et le champ de la médecine a aussi vu une explosion de ces prépas privés pour préparer le concours d'entrée dans les études médicales. Et voilà. Alors, sur la profession médicale, il y a le concours d'entrée dans les études de médecine, alors qui s'est un peu complexifié, qui devient aussi moins lisible, ce qui pose aussi un certain problème avec des passerelles, il y a des trucs. Enfin, même moi, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas pris suffisamment de temps pour comprendre, mais c'est vrai que ça devient un peu opaque. Et puis ensuite, vous faites les études de médecine, et puis il y a le concours de l'internat. Donc c'est le deuxième concours que vous passez, ou pas. Alors aujourd'hui, là aussi, il y a eu des évolutions, avec une certaine hiérarchie qui s'opère entre ceux qui réussissent le concours de l'internat et qui vont avoir faire donc une spécialité, et puis ceux qui ne réussissent pas, en tout cas c'était ça, là aussi les choses ont un peu changé, mais ceux qui ne réussissent pas l'internat qui vont faire de la médecine générale. Et là pour le coup il y a une hiérarchie qui se fait entre les deux qui est à mon avis tout à fait délétère. Et c'est vrai que Robert Debré qui avait, donc je rappelle, hein, Robert Debré qui était pédiatre aussi, et qui a, en 58, le père de Michel Debré, qui était au début de la Ve République, à ce moment-là, il était le Premier ministre de l'époque, a réformé l'hôpital pour dire qu'il faut qu'il y ait des centres hospitalo-universitaires pour, au même endroit, que les médecins puissent profiter de... Enfin, remettre des médecins à temps plein à l'hôpital pour pouvoir former de manière plus efficace les étudiants en médecine. Et Robert Debré avait, à la fin de sa vie, d'ailleurs devant l'école de Rennes, c'était un séminaire sur la santé publique, il avait à ce moment-là 91 ans, et il avait dit « La dernière étape de ma réforme, je ne l'ai pas faite, c'est celle de la santé publique ». Et c'était l'idée de dire bah, il faut travailler tout le champ de la prévention, hein, qui est un des grands domaines de la santé publique, et ouvrir l'hôpital sur la ville. Et ça n'a pas été fait. 50 ans après, ça n'a pas été fait. Et c'est vrai que il y a aujourd'hui un cloisonnement entre ce qui se passe à l'hôpital. Alors il y a l'hôpital public et l'hôpital privé, mais on va parler de l'hôpital public, ce qui se passe à l'hôpital et puis ce qui se passe en ville, avec d'un côté une médecine qui est essentiellement libérale, à 95%, s'il y a aussi des centres de santé hein, où les médecins sont salariés, mais la médecine libérale où on a un paiement à l'acte, et puis l'hôpital public où c'est donc des fonctionnaires qui reçoivent un traitement pour des missions, mais et plus récemment la notion de service public hospitalier où un certain nombre d'hôpitaux privés à but non lucratif participent également à la fonction publique hospitalière, mais avec des difficultés qui mettent en concurrence. Et c'est là que le contrat intervient de plus en plus à l'hôpital public aussi, mettent en concurrence l'hôpital public et l'hôpital privé, et font qu'aujourd'hui, on a des difficultés de plus en plus importantes à garder les médecins à l'hôpital public, car ils ont des conditions de travail qui se sont dégradées, et aussi, je crois que c'est des professions où la contrainte horaire, puisqu'on on assure une permanence des soins, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ça nécessite d'avoir effectivement des professionnels qui acceptent ces contraintes horaires, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup, beaucoup moins prêtes à accepter ces contraintes, et notamment aux tarifs où on leur propose d'assurer cette permanence des soins. Et donc on a de plus en plus une concurrence délétère pour l'hôpital public, où les médecins et également les professions paramédicales partent de l'hôpital public pour aller dans des cliniques privées ou même dans des hôpitaux privés à but non lucratif, où ils vont avoir des salaires qui peuvent être 50, 100%, voire plus majorés, et une contrainte horaire tout à fait diminuée, où les missions de service public hospitalier ne sont pas remplies de la même façon par ceux qui sont à l'hôpital public et ceux qui sont dans les ce qu'on appelle les ESPIC, donc les hôpitaux privés à but non lucratif. Donc il y a effectivement, et les réformes récentes du contrat des praticiens hospitaliers font qu'on a aujourd'hui également donc plus de contrats proposés à l'hôpital, et non seulement une concurrence entre l'hôpital public et l'hôpital privé, tel que je viens de le dire, mais également une concurrence entre les hôpitaux publics, puisque les praticiens hospitaliers peuvent négocier, ceux qui sont contractuels peuvent négocier leur contrat, il y a différents types de contrats, ils peuvent négocier leur contrat avec la direction de l'hôpital. Et donc ça met du coup les hôpitaux publics en concurrence entre eux, donc, ce qui est une difficulté supplémentaire pour assurer les missions de l'hôpital public. Donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'avais d'autres... Juste peut-être pour terminer, puisque je travaille beaucoup avec une... J'ai mentionné les centres de santé. Je pense que c'est un... Donc les centres de santé, ça a été inventé dans l'après-guerre, notamment dans les communes périurbaines, surtout des mairies communistes, hein, qui ont fait des centres de santé qui s'adressaient notamment aux plus précaires. Et donc c'est des endroits où on a des gens qui travaillent en équipe, pluriprofessionnels, et qui sont, donc c'est de la médecine de ville, mais salariés, comme je le disais tout à l'heure. Et l'idée de la collègue avec qui je travaille, qui travaille dans un centre de santé dans le Val-de-Marne, c'est de dire qu'il faudrait qu'on essaye de développer ce service public de la médecine de ville et d'avoir un lien, ce lien qui nous manque, dont je parlais tout à l'heure, avec l'hôpital, et de pouvoir probablement, en réfléchissant peut-être sur des statuts partagés ou du temps partagé entre des médecins hospitaliers de l'hôpital public et des médecins de centres de santé médecine de ville, et qu'on puisse favoriser un peu de temps partagé, en tout cas renforcer les liens par ce biais-là, et remplir et de faire ce que Robert Debré souhaitait à la fin de sa vie, de pouvoir enfin investir de manière efficace les champs de la prévention, de la recherche en soins primaires, qui est totalement absente aujourd'hui, et de favoriser, bien entendu, le parcours du patient, parce que le patient, lui, il est un jour à l'hôpital, le lendemain, il est chez lui, il s'adresse à un médecin de ville, et ces deux-là ne se parlent pas et ne se coordonnent pas aujourd'hui correctement. Donc c'est, à mon avis, un sujet intéressant et qui remporte un écho très favorable auprès des jeunes professionnels de santé qui sont intéressés par ce travail d'équipe pluriprofessionnel, je parle des médecins de ville. Le travail d'équipe, on le fait à l'hôpital, mais en ville, c'est moins le cas, mais c'est en tout cas un modèle qui plaît beaucoup. Et le fait d'être médecin salarié, d'être déchargé des tâches administratives dont se plaignent beaucoup les médecins de ville aujourd'hui, hein, la contestation des médecins de ville porte beaucoup, elle porte un peu sur la rémunération, mais elle porte beaucoup sur les tâches administratives. Et donc l'idée que puissent être dans des centres où ils sont déchargés de ces tâches administratives plaît beaucoup. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt et c'est la nécessité, je pense, de réfléchir. Et là, je reviens à comment on sélectionne les jeunes, enfin les professionnels de santé et comment on les forme. Il faut réfléchir aussi à la fois aux appétences et au concept que se font aujourd'hui les jeunes qui rentrent dans le domaine de la santé, dans ces professions de santé, mais aussi aux besoins de santé de la population. Et donc faire converger les deux, je pense que le centre de santé en lien avec l'hôpital est à mon avis, répond assez bien aux deux critères de l'envie des jeunes de travailler en équipe pluriprofessionnelle en ville et de faire du lien avec l'hôpital et d'avoir à l'hôpital aussi des parcours plus diversifiés. Un des reproches qui est fait au statut de la fonction publique, c'est sa rigidité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est nommé praticien hospitalier à l'hôpital, on a la même mission du moment où on est nommé, entre 30 et 35 ans en général, jusqu'à l'âge de la retraite, sans se poser la question de savoir si on peut faire autre chose. Et je pense que justement de donner la possibilité de faire de la porosité entre des centres de santé en médecine de ville et la pratique hospitalière est à mon avis quelque chose qui intéressera aussi les médecins hospitaliers. Donc je pense qu'il faut faire bouger. Quand on dit que le statut de la fonction publique est moderne, oui, mais à condition de le moderniser quand même. Je pense qu'on a un besoin de faire bouger un peu les lignes, mais sans aller... Voilà, la modernisation qu'on nous propose, c'est le contrat. Moi, je pense qu'on peut, à l'intérieur du statut, proposer des choses très intéressantes, par exemple celles que je viens de mentionner avec les centres de santé.